Le monde est si vaste qu'il y a de nouvelles choses à apprendre et que la science ne cessera jamais de nous surprendre. Je Science donc je suis prends le micro pour vous offrir une fois par mois une dose de science, un format court pour satisfaire votre curiosité. Salut, c'est Sania pour l'épisode de Flash Science du mois. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle étude scientifique parue dans la revue Science le 13 janvier 2022. Les chercheurs ont identifié un virus important dans le déclenchement de la sclérose en plaques. Il s'agit du virus d'Epstein-Barr, qui est responsable de la mononucléose infectieuse. La sclérose en plaques est une maladie chronique inflammatoire, c'est-à-dire qu'elle est causée par un dysfonctionnement du système immunitaire qui attaque les neurones dans le cerveau. À ce jour, la cause de la maladie est inconnue. Lors de cette maladie, pour des raisons encore inconnues, certaines cellules immunitaires du sang, normalement en charge d'éliminer les envahisseurs étrangers, comme les virus, attaquent la gaine de myéline, qui agit comme une couche protectrice des neurones dans le cerveau. C'est ce qu'on appelle une maladie auto-immune. Selon la Fondation pour l'aide à la recherche de la sclérose en plaques, ARCEP, 2,8 millions de personnes sont atteintes de cette maladie dans le monde, dont 110 000 en France. C'est la première cause de handicap non traumatique chez le jeune adulte. La maladie résulte de l'interaction complexe entre le système immunitaire, des prédispositions génétiques et des facteurs environnementaux, comme le virus d'Epstein-Barr, que l'on nomme aussi EBV. Le virus EBV appartient à la famille des herpesvirus, et il est la principale cause de la mononucléose infectieuse. Cette maladie est également nommée la maladie du baiser ou des fiancés, car le virus se transmet essentiellement par contact direct, via un baiser et par la salive. 95% de la population ont été exposés à ce virus. Une première infection par EBV durant l'enfance est bénigne. Cependant, une première infection durant l'adolescence ou à l'âge adulte se manifeste souvent par une mononucléose infectieuse. L'infection tardive par EBV est associée à une augmentation 2 à 3 fois de développer la sclérose en plaques. On suspecte depuis longtemps la participation du virus EBV dans la sclérose en plaques. Par exemple, il a été mis en évidence une augmentation des anticorps contre EBV avant le développement de la maladie. Mais qu'est-ce que sont des anticorps ? Bonne question. Un anticorps est une substance produite par le type de cellules immunitaires appelées les lymphocytes B. Ils utilisent les anticorps pour détecter et neutraliser spécifiquement les agents pathogènes responsables de la maladie. Dans le cas d'EBV, les anticorps reconnaissent spécifiquement le virus EBV. Et la présence d'anticorps contre EBV est un indicateur d'une infection antérieure par le virus EBV. Avant cette étude, personne n'avait montré le lien de causalité entre le virus EBV et la SEP. L'équipe d'Alberto Ascherio à l'Université d'Harvard aux États-Unis ont analysé le sang d'un groupe de 10 millions de jeunes adultes engagés dans l'armée américaine pendant 20 ans entre 1993 et 2013. Ils ont mesuré la présence ou l'absence dans le sang d'anticorps contre EBV au début de leur service militaire et avant l'apparition de la sclérose en plaques. Dans ce groupe, 955 personnes ont été diagnostiquées atteintes de sclérose en plaques. Les chercheurs ont ensuite analysé le sang de ces personnes mais avant le développement de la sclérose en plaques, pour analyser la présence ou l'absence d'anticorps contre EBV. 34 personnes au début de leur service militaire n'étaient pas infectées par le virus d'EBV, donc ils n'avaient pas la présence d'anticorps contre EBV. Et avant d'avoir la sclérose en plaques, ils ont été infectés par l'EBV. Donc cette étude montre que ces personnes ont eu la sclérose en plaques, et juste avant la maladie, ils ont été infectés par le virus d'EBV. Pour conclure dans cette étude, les chercheurs ont mis en évidence un lien de causalité temporelle entre l'infection par EBV et le développement de la sclérose en plaques. L'infection par EBV précède la CEP et elle augmente de 32 fois le risque de CEP. Mais pas de panique. Une majorité de la population a été exposée à ce virus, mais seulement une petite fraction développe la CEP. Les facteurs génétiques sont également à prendre en compte. Le virus EBV est nécessaire, mais il n'est pas suffisant pour déclencher la sclérose en plaques. Cette étude ouvre de nouvelles possibilités thérapeutiques contre la CEP. Dès lors, des traitements antiviraux ou un vaccin contre EBV visant à prévenir la mononucléose infectieuse pourrait également protéger contre la survenue d'une CEP. Le laboratoire Moderna, célèbre pour son vaccin ARN contre la COVID-19, a annoncé le 5 janvier 2022 la mise au point d'un candidat vaccin ARN destiné à l'infection contre le virus d'EBV. Il faudra ensuite plus tard faire une étude des gens qui ont été vaccinés ou qui ont eu des antiviraux contre EBV et la survenue de la sclérose en plaques. Flash Science, c'est fini pour aujourd'hui, mais on vous retrouve bientôt pour un nouveau sujet de science. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez des questions, des réactions à nous faire parvenir ou des sujets à nous proposer, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux ou par mail à l'adresse indiquée dans la description de cet épisode.